Judith Matoko, Léa Bakuka, Mama Maria, Attila Son, la Maison Blanche. Motoki na yo nzoka te yo kulia wo Mata ya moto na la vie Zali toujours kisite Il faut persevere diye Dekoja elika Na motoki na yo Te ozu ipe bo meko Ye plongwa be Na maluko eh Moki li e zali komplike Komplike Allez, lire mon sika, hein. Allez, Saint-Pierre, Félix Mondon, Africa number one. Benson Diakité, Claudicia, RFI Radio Internationale. Mutuel éveil du Noël. Patrick Okabande, Maïga Aloulou. Albert Lebanda, confie à moi.